mon permis depuis 3 mois. La vitesse est limitée à 110 km/h. Réponse A, 100 km/h. Réponse B, je peux rouler à 90 km/h. Réponse C, 80 km/h. Réponse D.